الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا ودراستنا في كتاب القواعد المثنى في أدلة الأسماء والصفات أو في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وما زلنا في دراسة قواعد في أدلة الأسماء والصفات سيدنا الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل دوك va continuer par les grâces de notre Créateur par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'étude du livre des règles des grands-pères concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on est toujours dans l'étude du chapitre concernant les preuves, concernant des règles liées aux preuves relatives aux noms et aux attributs de notre Créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on avait dit dans des chapitres précédents, on a étudié des règles concernant les noms divins, les noms d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, dans un chapitre, on a étudié les règles concernant les attributs. Et dans ce passage, on étudie des règles concernant les textes, concernant les preuves liées aux noms et aux attributs. Jusqu'à ce qu'on est arrivé, lorsque l'auteur dit وَبِهَذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانِ مَذْهَبِ أَهْلِ التَّعْطِيلِ سواء كان تعطيلا عاما او خاصا وبه علم ان طريق الاشاعره والماتريديه في اسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزله والجهميه وذلك من وجهين et donc après l'auteur il termine en quelque sorte son argumentation à partir ou à travers différents points. Et nous, on a évoqué l'argumentation à travers ces différents points qu'a mentionné l'auteur, liés à sa réfutation à la méthodologie de ceux qu'on appelle Ahl-Ta'til, les partisans de la négation, que ce soit la négation totale des noms et des attributs, ou d'une négation des attributs, ou bien d'une négation d'une partie des attributs. Donc dans sa réfutation des partisans de la négation, ce qu'on appelle la doctrine de Ahl-Ta'til, la doctrine de la négation, après qu'il ait mentionné cela, sa réponse et son argumentation à travers différents points, l'auteur dit « Wa bihadha tabayyana » et de ce fait, alors la nullité de la méthodologie et du madhhab et du courant de pensée, ou de pensée plutôt, de la doctrine de la négation, si cela est clarifié, alors ça va nous faire attendre de l'Amman au Khassan. Il dit donc avec tout ce qui a précédé, alors a été mis en clarté, de manière claire, la nullité, la non-validité du courant de pensée de la doctrine de la négation, que ce soit une négation totale ou bien partielle. Ensuite, il dit, Wabihi, et de ce fait, on peut comprendre à présent que la méthodologie de la doctrine nommée Al-Ash'ariya ou Al-Maturidiyya aussi, une autre doctrine aussi qui a justement débattu dans le domaine des noms et des attributs de notre Créateur, que la méthodologie de Al-Ash'ariya ou Al-Maturidiyya, ce courant de pensée en fait, ne peut pas argumenter face aux autres négateurs. Comme, à l'occurrence ici, il fait allusion, et dans la tire d'exemple, la doctrine de Mu'tazila et de Jahmiya. Pourquoi il dit cela? Selon deux points. Et cela, selon deux points. Pourquoi Al-Ash'ariya, qui lorsqu'ils sont apparus, on avait bien détaillé cela dans la séance dernière, lorsqu'ils sont apparus, eux ont réfuté la doctrine de la négation, ce qui niait de manière totale les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ash'ariya, cette doctrine qui, eux, ont eu recours à l'interprétation, comme c'est célèbre, ont eu recours, comme c'est la doctrine aussi nommée de Al-Maturidiyya, qui étaient partisans d'un homme, leur leader s'appelait un maître Lévi, Abou Mansour maître Lévi, et un homme, et une autre doctrine aussi nommée Al-Kullabiyya, la fraction de Al-Kullabiyya, qui ont aussi débattu dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, leur méthodologie et leur courant de pensée, malgré que dans des générations anciennes, ils réfutaient, à travers leurs écrits, à travers leurs livres, ils réfutaient la doctrine de la négation, mais en fait, leur argumentation et leur réponse ne peuvent être cohérentes face à la doctrine de la négation. Pourquoi ? Pour deux choses. Premièrement, on avait dit parce que leur voix est innovée. Leur voix est innovée. De sorte qu'elle n'est pas conforme à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses enseignements, aux enseignements des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Donc, du fait que leur méthodologie elle n'est pas conforme à et aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de ce fait dit, on ne peut repousser une innovation, une chose inventée par une autre chose inventée, par une autre innovation. Comme regardez l'auteur, il dit إِذَا ذَلَكَ مِنْ وَجْهَيْنِ يَعْنِ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ شُبَهَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَذَلَكَ مِنْ وَجْهَيْنِ أحدهما أنه طريق المبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الأمة وأئمتها والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. Donc ce courant de pensée lorsqu'il est apparu, et du fait que leur méthodologie, leur compréhension, leur conception des choses concernant les noms et les attributs étaient innovées. Innover, yarib tariqun mubtada. Pourquoi innover? C'est-à-dire, non conforme aux enseignements du prophète Hassan et de ses compagnons. Donc, leur conception des choses dans le domaine des noms et des attributs, c'est une conception qui n'est pas conforme à la tradition du prophète Hassan, à ses enseignements et à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Hassan, leurs disciples et ceux qui les ont suivis. Dans le bien. Pour cela, l'auteur donc considère que c'est une voie, cette voie-là, c'est une voie innovée. Et donc, on ne peut répondre à une innovation par une autre innovation. Ça, c'est le premier point. Donc, si on peut répondre, dans le sens si on ne peut, dans la négation, si on ne peut pas répondre à une innovation par une autre innovation, donc comment est-ce qu'on peut répondre à l'innovation ? Par la sunna. Par la sunna. Regardez, l'auteur le dit bien. Il dit وَإِنَّمَا تُدْفَعُ بِالسُنَّةِ. Donc les ambiguïtés, justement, on les repousse par la sunna. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme on avait lu cela là, dans la fin de la dernière assise, deuxième point, أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا عن الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتجوا به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا عن أهل السنة. Et dans ce deuxième point, qu'est-ce qu'on avait appris ? Pourquoi la méthodologie ? Malgré qu'on avait dit, c'est important de l'apprendre pour le lecteur, malgré qu'on avait dit cette conception et cette méthodologie-là, s'est répandu ensuite dans le monde musulman. Donc dans les siècles précédents, cette méthodologie s'est répandue dans le monde musulman. Donc vous la retrouvez dans de nombreux livres. C'est pour cela qu'ensuite, le débat entre les savants est existant, et fut existant du fait que vous retrouvez cela et ce débat dans des livres jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que beaucoup de savants ont eu recours à ce qu'on appelle le tadwil, à l'interprétation des attributs, des versets d'attributs. Pourquoi al-Tawil, al-Ash'ariya, al-Maturidiya, pourquoi la doctrine des Ash'arites, ou bien des Maturidites et autres, pourquoi ils ne peuvent, dans ce deuxième point, réfuter les partisans de la négation ? Parce que les partisans de la négation ont utilisé en quelque sorte la même argumentation que eux. Du fait que, par exemple, on a appris que Al-Ash'ariya, dans leur doctrine, ils acceptent 13 attributs. parmi eux, d'autres avec 7. Et d'autres attributs, il les nie. Et la fin d'année, on avait donné un titre d'exemple, leur affirmation de l'attribut de la volonté, Sifat al-Irada. Par contre, leur négation de l'attribut de la miséricorde. Donc vous avez pu apprendre, vous avez pu comprendre que l'Inch'Allah, par exemple, dans leur méthodologie, ils affirment une partie d'attribut et ils nient une autre partie d'attribut. Ce qui fait office de référence, donc pour eux, on avait appris pourquoi une partie d'attribut ils affirment, une autre partie d'attribut ils ne les affirment pas. Ce qui fait office de référence pour eux, c'est leur raison. Donc ils se réfèrent à leur raison. Si leur raison conçoit l'attribut, de ce fait ils l'affirment. Mais si leur raison ne peut pas concevoir cet attribut-là, alors ils nient. Donc leur affirmation, leur négation des attributs est liée à l'argument du ce qu'ils nomment l'aql, du aql. Comme l'auteur l'a précisé précédemment. Mais du fait que la doctrine de la négation totale des attributs d'Allah Azza wa Jalla, comme c'est la doctrine de Mu'tazila, du fait que eux aussi, ils ont fait prévaloir l'aql à l'naql, ils ont fait prévaloir la raison sur la transmission et la révélation, c'est-à-dire sur les preuves scripturaires et textuelles, du fait qu'en réalité, comme l'Ash'ariyya ont nié des attributs par rapport à leur raison, et que leur raison ne peut pas concevoir ces attributs, donc ils ont nié, Al-Mu'tazila, leur argumentation est la même. Ils diront, nous aussi, nous avons nié les attributs par rapport au fait que, aussi, leur raison ne peut pas concevoir l'affirmation des attributs. Donc ils pourraient leur répondre, pourquoi votre raison, votre conception des choses à vous serait bonne et correcte, et pas la nôtre. Et pas la nôtre. Et la fin dernière, on s'est arrêté sur cela. Vous vous rappelez de cela? Donc les deux points sont clairs. Lorsque le terme avait dit Thaniyan, ana ma'tazila wa jamiyata yumkinuhum an yahtajju bima nafu'a lil ash'ariyya wal maturidiyya bimithli ma ihtajja bihi al ash'ariyya wal maturidiyya lima nafu'a ala ahli sunnah. فيقولون لقد أبحثتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. Donc ça c'est la parole littérale de l'auteur. Je vous la traduis littéralement, mais du fait que maintenant je vous l'ai expliqué, si je voulais la... Enfin, on l'a expliqué. Si maintenant on lit la traduction de ce deuxième point, je pense qu'il sera compris, Inch'Allah. Donc regardez, dans le deuxième point, l'auteur dit. Donc dans le premier point, si vous voulez, ces deux points qu'on est en train d'apprendre, c'est deux points où l'auteur met en exergue, en avant, que la méthodologie de l'Ash'ariyya, ou bien de l'Maturidiyya, c'est-à-dire ceux qui ont accepté et affirmé une partie d'attribut en niant une autre partie, en fait, eux ne peuvent pas répondre et argumenter face à ceux qui ont nié totalement les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Par contre, est-ce qu'ils l'ont fait? L'Ash'ariyya par exemple, la doctrine de l'Ash'ariyya, est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont réfuté? Est-ce que vous pouvez trouver à travers leur livre, déjà dans les siècles précédents, qu'ils argumentaient et réfutaient Al-Tartin, Al-Mu'tazila et d'autres tendances parmi les partisans de la négation? Est-ce que vous retrouvez des réputations? Est-ce qu'ils l'ont fait? Un arbre, oui. Oui. Oui, ils l'ont fait déjà. J'ai prêté l'examen. Oui, ils l'ont fait. Vous retrouvez à la base, lorsque un chat et rat, ils sont apparus, ils sont rentrés dans le débat. Pourquoi? Parce qu'il y avait un débat qui était lié au nom d'Allah Azza wa Jalla et ses attributs. Donc c'était un débat entre l'affirmation et la négation. Quelle était la voix des partisans de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Leur voix était d'accepter, d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et attribut, et de nier ce qu'Allah s'est nié pour lui-même comme nom et attribut, et d'affirmer ce que son envoyé a affirmé pour Allah azza wa jalla comme nom et attribut. Ça, c'était la voix des compagnons du prophète, sans ça, mais des pieux prédécesseurs, des partisans de la sunna depuis les premières générations. Et donc, dans le domaine des noms et des attributs, ils prenaient le sens apparent du texte, sans le nier ou avoir recours à l'interprétation, c'est-à-dire sans l'interpréter. Ça, c'était la voix des partisans de la sunna, depuis les premières générations. Lorsqu'il y a eu le débat, ensuite on a dit qu'il est apparu, justement, sont apparus des tendances, des courants de pensée qui, eux, ont recours à la négation. On nie, contrairement aux partisans de la sunna, eux ont nié les noms d'Allah Azza wa Jalla et ses attributs. Plus tard, dans les siècles qui suivront, qui succéderont, lorsqu'apparaîtra la doctrine de l'Ash'ariya, on ne va pas revenir sur l'historique, puisqu'on l'a déjà fait, à quel moment, en quel siècle sont apparues l'Ash'ariya, les causes, on avait déjà, on fera peut-être allusion à cela dans les assises prochaines. Lorsqu'ils sont apparus à l'Ash'ariya, on a dit d'autres tendances qu'il y avait le Maturidiyya, le Kullamiyya et autres, et justement ensuite sont rentrés dans le débat, eux ont réfuté. Ils ont réfuté les gens de la négation. Sauf que l'auteur dit, regardez l'auteur qu'est-ce qu'il dit. Ainsi, l'on sait que la voix d'Al-Ash'ariya wa Maturidiyya concernant les noms et les attributs, ainsi que leurs arguments en la matière, ne peuvent repousser les arguments, c'est-à-dire les ambiguïtés d'Al-Mu'tazila et d'Al-Jahmiya, des partisans de la négation. Pourquoi les arguments de la doctrine de l'Ash'ariya wa Maturidiyya, par exemple, les arguments de ceux qui ont recours à l'interprétation, pourquoi ne peuvent-ils pas, leurs arguments, repousser les arguments de la négation, de la doctrine de la négation? Pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi? Ils ne sont pas réglés. Ils disent qu'on les... Tu m'arrêtes, voilà, je n'ai pas entendu. Je dis, ils font pareil qu'ils les autres, en fait. Ils interprètent aussi. Non. Non, les autres n'interprètent pas. Eux interprètent. Mais la similitude qu'ils ont, premièrement, c'est que leur voix... Leur voix est innovée. Voilà. Leur voix, ça c'est le premier point. On a pris combien de points? L'auteur a cité combien de points? Concernant le fait que leur voix, en fait, ne peut pas, leur argumentation ne peut pas repousser l'argumentation. La doctrine négation, on a pris combien de points? L'auteur cite deux points. Le premier point, c'est ça. Le fait que leur voix est innovée. Innovée, c'est-à-dire inventée. On ne peut pas repousser une innovation, une chose inventée, par une autre chose inventée. C'est ça, là, d'abord. Deuxième point, qu'est-ce que dit l'auteur? Deuxième point, c'est que eux-mêmes ont nié des attributs. Eux-mêmes, dans la doctrine Ash'ariyyah et Maturidiyya, par exemple, ils ont nié des attributs. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ils nient une partie, ils affirment une autre partie. Et ils ont nié une partie d'attributs. Leur argumentation dans la négation de certains attributs est la même que les partisans de la négation. Donc, de ce fait, les partisans de la négation leur répondraient leur répondront, comme vous, vous avez nié des attributs d'Allah Azza wa Jal, nous aussi on nie des attributs d'Allah Azza wa Jal par rapport à notre raison, puisque vous, vous avez nié aussi par rapport à votre raison. Vous allez mieux comprendre, je vais vous lire la traduction littérale, la totalité du deuxième point de ce petit auteur. C'est pour ça que je vous ai répété comme ça, c'est pour qu'on puisse bien profiter de la parole de l'auteur. La parole de l'auteur ici, c'est deux points, pourquoi ? Ces deux points, il est en train de mettre en avant que la méthodologie acharite ne peut pas repousser les arguments. Leurs arguments ne peuvent pas repousser les arguments de la doctrine à la négation, soit Jahmiya ou Mu'tazila. Pourquoi ? Il cite deux points, pour deux aspects. Premier aspect, on l'a dit. Deuxième aspect, regardez ce qu'il dit. Al-Mu'tazila wa Jahmiya pourraient, c'est-à-dire les partisans de la doctrine à la négation, pourraient justifier aux Ash'arites et Maturidites leur négation et se servir des mêmes arguments invoqués par ces derniers pour légitimer aux yeux des gens de la Sunna leur démarche consistant à nier les attributs. Il dira, vous vous êtes permis de nier des attributs. Il dirait, vous êtes permis, vous, de nier des attributs en avançant que vous prétendez être des arguments, en avançant que vous prétendez être des arguments rationnels et vous avez interprété les arguments scripturaires qui les attestent. Alors pourquoi vous interdisez-vous de nier ? Alors pourquoi nous interdisez-vous de nier ce que nous avons nié en nous appuyant sur ce que nous pensons être un argument rationnel aussi ? C'est-à-dire que vous, ils leur disent, vous êtes, ils peuvent leur dire, vous êtes basé sur des arguments rationnels pour aboutir à la négation de certains attributs. Nous aussi, on se base sur des arguments rationnels. Donc comme vous, vous vous basez sur des arguments rationnels, nous aussi, on se base sur des arguments rationnels. Donc pourquoi vous, vos arguments rationnels seraient bons et pourquoi les autres, les nôtres ne seraient pas bons? C'est ça en fait ce que l'auteur dit dans le deuxième point. Regardez, vous allez mieux comprendre dans la traduction. Alors il dit, vous êtes permis de nier des attributs en avançant ce que vous prétendez être des arguments rationnels. Vous prétendez que ce sont des arguments rationnels. Pour ce fait, vous avez nié des attributs. Et vous avez interprété, donc, en contrepartie, vous interprétez les arguments scripturaires, c'est-à-dire les textes, et les attestes, qui les attestent. Alors pourquoi interdisez-vous, vous interdisez à nous de nier de la même manière en s'appuyant sur des arguments rationnels et d'interpréter l'argument scripturaire qui s'y réfère? Nous avons autant que vous, nous sommes autant que vous, il pourrait leur dire, doués de raison. Nous sommes autant que vous doués de raison. Si notre raison est défectueuse, alors comment se peut-il que la vôtre soit valide? Et si la vôtre est valide, comment se peut-il que la nôtre soit défectueuse? Vous ne possédez pas d'autre argument pour nous blâmer que le désir d'exercer de l'emprise et de suivre la passion. Jusque-là, vous comprenez? C'est simple. Jusque-là, c'est simple. N'hésitez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas. Donc une fois que ensuite l'auteur a mis cela en avant, c'est-à-dire que selon la voie des partisans de l'interprétation et de la négation d'une partie des attributs d'Allah comme celle qui est la doctrine de l'Ash'ariyya et le Maturidiyya, ils ne peuvent en fait repousser les arguments et les ambiguïtés des partisans de la doctrine de la négation. Ils peuvent le faire. Premièrement, parce qu'on peut repousser l'innovation par une autre innovation. Et deuxièmement, c'est qu'ils ont des causes pour la négation qui sont similaires. C'est pour ça que l'auteur ensuite dit « وَهَذِهِ حُجَّةٌ دَمِيرَةٌ وَإِلْزَمٌ صَحِيحٌ من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية. Et là, l'auteur va dire, et cette argumentation, si, par exemple, les partisans de la négation devaient dire cela à la doctrine de l'Acharya dans le Matholidien, leur argumentation serait cohérente, serait pertinente. Parce que c'est vrai. Vous comprenez ? Serait pertinente et cohérente. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية ولا مدفع لذلك ولا مخص عنه إلا بالرجوع لمذهب سلف هذه أو لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييفا ولا تنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Et donc l'auteur est dit, pour cela qu'est-ce qu'on comprend? Lorsqu'on a compris que on a compris ce point, donc on voit que l'argumentation de la doctrine de la négation ne peut être repoussé que par la voie de la sunna, la voie des pieux prédécesseurs, ceux qui dans le domaine ont affirmé les noms d'Allah Azza wa Jal et ont affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, ils ont affirmé ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même et ils ont affirmé ce que son envoyé a affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'une affirmation sans assigner Allah Azza wa Jal de semblable, sans faire de comparaison, sans avoir recours à s'imaginer le comment de l'attribut, sans avoir recours à la négation ni à la falsification. Quatre choses lorsqu'on affirme les attributs, quatre choses sans négation, parté, voilà. Tahrif, falsification, voilà takyif, sans chercher, s'imaginer le comment, voilà tamthil, et sans comparer le créateur. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ لَهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. Et ensuite l'auteur dit cet argument très pertinent dans le verset d'Allah Azza wa Jal dit, et ce qu'Allah n'a pas fait ou n'a pas mis lumière en cela ne sera pas lumière. Et ce dont Allah Azza wa Jal n'a pas mis de lumière en cela ne sera pas lumière. Traduction relative du sens du verset. Et donc là, c'était très pertinent. Ensuite, moi, ce que je vous ai lu le texte. Je vous ai lu le texte. On n'est pas rentré dans les détails de l'explication ensuite de l'auteur. Parce que l'auteur, ensuite, va détailler cela. Mais je pense que, là, avec ce qu'on a cité précédemment, je pense que c'est clair. Ensuite, il dit Tenbihou. Tenbihou. Portez l'attention. Remarque. علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. Alors petite remarque. Alors avec ce qu'on a appris précédemment, maintenant on peut comprendre une chose. Ce qui a précédé atteste d'une chose. Ce qu'on a appris précédemment dans le domaine des noms et des attributs, maintenant on peut remarquer une chose importante. Tout ce qu'on a appris atteste d'une chose. Quelle est cette chose? L'auteur va dire, cette chose est que tout mu'attil est donc mu'mathil. Et tout mu'mathil est mu'attil. Je vous répète, donc tout ce qu'on a appris précédemment, si on a bien compris cela, ça atteste d'une chose. Et on peut déduire une chose. Que tout mu'attil est forcément mon matrir, et tout mon matrir est forcément mon artéri. Si on a compris ce qui a précédé, donc on a compris les termes. Les termes mon artéri et mon matrir. C'est pour ça que je vous les ai dit en arabe sans les traduire. Al mu'attil, comme on l'a précisé dans les assises présentes, al mu'attil, c'est celui qui nie. C'est le négateur. Al mu'attil, c'est le négateur. C'est celui qui fait al-ta'til. Al-ta'til. Al mu'attil, c'est celui qui compare. Qui compare le créateur, qui fait de la comparaison. Qui assigne des semblables. Qui donne des semblables au Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, et justement, les négateurs des attributs d'Allah Azza wa Jalla ont nié, parmi leur argumentation, leur justificatif, c'était justement de ne pas faire de comparaison. Pourquoi ? Parce que pour eux, l'affirmation des attributs, ça implique comparer le Créateur à la créature. Pourquoi ? Parce que pour eux, les attributs, d'une manière apparente, le sens apparent des attributs, il y a de la comparaison pour eux. Parce que ça sous-entend ça, leur négation. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire ? Alors, on voit que les négateurs, en fait, ils ont voulu fuir la comparaison. De tomber dans une forme de comparaison du créateur à la créature. Mais en fait, l'auteur, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Si on a compris tout ce qui a précédé, ça atteste d'une chose. En fait, tout négateur est forcément mon maître. A fait la comparaison. Et c'est là la pertinence du propos de comprendre qu'en fait, malgré que les négateurs, ils ont nié parce qu'ils voulaient fuir la comparaison, mais en fait, l'auteur nous dit que si on observe bien, on a compris ce qui a précédé, tout négateur est forcément moumathil. Il est tombé dans la comparaison. Et à l'inverse, ceux qui ont fait du tamthil, qui ont affirmé les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla en comparant le créateur à la créature, ils sont mu'attil. Ils sont forcément négateurs. Donc en d'autres termes, pour faire simple, on va dire là, si on veut donner des mots, faire comme en arabe c'est deux mots qui sont donnés, tout négateur est assimilateur, et tout assimilateur est négateur. Si on veut le faire simple, mais maintenant vous avez compris, j'ai utilisé des termes, mais ensuite ça demande plus de développer. Là vous avez compris, on pourrait traduire comme ça, tout négateur est forcément assimilateur, et tout assimilateur est négateur. C'est à dire. C'est étonnant, vous allez sûrement vous poser la question, comment des gens, des partisans de la négation qui ont nié les attributs pour justement pas tomber dans le tamthil, parce que pour eux, affirmer l'attribut, c'était forcément donner un semblable et comparer le créateur, ils sont considérés comme des moumathils. L'auteur, hein, par contre, là, on va prendre un peu d'explication. L'auteur va expliquer ses propos. L'auteur dit cette parole qu'on vient de dire. À première lecture, à première écoute, on pourrait se dire qu'elle est contradictoire, qu'il y a contradiction. À première écoute, on pourrait se dire qu'il y a contradiction. Pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a contradiction à première vue ou écoute de cette parole ? Il y a quelqu'un qui veut. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ? Les premiers ne sont pas comparés. Pourquoi ils ont nié pour ne pas comparer ? Ouais. C'est vrai qu'ils en ont nié certains, parce qu'ils ont comparé. Donc, c'est pour ça qu'à première vue, ou à première écoute de cette parole, le fait de dire « Kulu mu'ati mu'ati » pas « Kulu mu'ati mu'ati », c'est vrai qu'à première écoute, on pourrait voir contradiction. Dans ce sens-là, on pourrait dire ça, c'est contradictoire. Pourquoi ? Parce que mu'ati là, les partisans de la négation, au contraire, eux, ils ont fui le tashbih ou le tamthil. Et tellement ils voulaient fuir le tamthil, parce que c'est interdit de comparer le créateur. Et les gens de la sunna aussi considèrent que c'est interdit. Ou à la kouf, de comparer le créateur à la créature. Eux ont voulu fuir cela. Donc pour cela, ils ont nié. Pour fuir, elle t'aime. Mais là, les savants de la sunna les considèrent quand même des matila. Ils disent qu'en fait, tout négateur est assimilateur. Et tout assimilateur est négateur. Donc l'auteur, dans son explication, dit à première lecture, à première vue de cette parole, on pourrait se dire il y a contradiction. Il y a quelque chose, en quelque sorte, qui ne va pas. Mais il dit Wadhalika, pourquoi aussi? Parce que justement, les partisans de la négation du Ta'til, Al-Mu'attila, ont été justement farouchement contre les Mu'attila. Et ont réfuté les Mu'attila. Jusqu'à ce que même Al-Mu'attila kaffaru Al-Mu'attila. Donc ils en étaient opposés. Et ils réfutaient. Ils répondaient aux Mu'attila. Moi, Mu'attila, et à l'inverse, les assimilateurs, d'eux-mêmes, étaient farouchement opposés aux négateurs. Et répondaient aux négateurs. Hatta kaffaru. Jusqu'à ce qu'ils ont même excommunié. Donc l'une des tendances à excommunier l'autre, et l'autre à excommunier l'autre. Donc c'est pour cela, comment on peut se dire que Al-Mu'attila sont considérés comme assimilateurs et assimilateurs sont considérés comme négateurs, après ce qu'on vient de citer. Qala, فَكَيْفَ نَقُلْ إِنَ الْمُعَطِلَ مُتَّصِفٌ بِالتَّبْتِيلِ وَالْمُمَثِلَ مُتَّصِفٌ بِالتَّعْتِيلِ لِلَا قَالَ أَمَّا التَّعْتِيلُ الْمُعَطِلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا تَمْثِيلُهُ فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا عَطَّلَ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله أي مثل الله تعالى بالناقص. Alors il dit, pourquoi maintenant on décrit les partisans de la négation comme étant des assimilateurs et pourquoi les assimilateurs on les décrit comme étant des négateurs? Il dit, en ce qui concerne les négateurs, leur négation est claire. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Leur négation est claire. D'ailleurs, ils sont des partisans de la négation. Donc leur négation est claire. Par contre, pourquoi sont-ils considérés en même temps comme des assimilateurs ? Pourquoi ? Parce que eux, comme on l'a dit précédemment, qu'est-ce qui les a menés à nier les attributs du Créateur? Les savants disent, ce qui les a menés à nier, c'est que pour eux, l'affirmation des attributs implique, vous avez vu, on avait parlé de la voisine, des implications, pour ça on a dit que c'est important, implique la comparaison. Pour eux, affirmer les attributs d'Allah Azzajal, ça implique la comparaison. De ce fait, ils ont dit. Donc, qu'est-ce qui les amène à nier? C'est que pour eux, l'affirmation des attributs implique la ressemblance, la comparaison. Donc, selon cette considération-là, si c'est le fait de croire, de penser que l'affirmation des attributs, il y a comparaison à travers celle-ci. Et donc, que cela mène vers la négation, on voit que la première étape avant la négation, c'était de se dire qu'il y a comparaison dans l'affirmation des attributs. Donc, Donc en fait, qu'est-ce qui les amène à la négation? C'est de se dire que dans l'affirmation, il y a comparaison. Donc en fait, de se dire qu'il y a comparaison, c'est qu'on fait de la comparaison. C'est pour ça que les savants disent, les négateurs n'ont pas pu nier sans avoir préalablement comparé, fait justement du tamthil. Et comme ils se sont dit que les attributs d'Allah Azza wa Jal, l'affirmation de ces attributs et accepter le sens apparent du texte, ça serait comparer le créateur, donc à ce moment-là, ils tombent dans la comparaison. Et du fait qu'ils ont comparé, ensuite, ils ont recours pour éviter ça à la négation. Mais leur première étape est la comparaison. Parce que si, dès le départ, ils ne s'imaginent pas l'attribut, ils ne comparent pas l'attribut. Par exemple, l'attribut, il est cité dans le Coran. L'imam Falakatou Biyadi, Allah lorsqu'il avait déjà donné cet exemple, Allah lorsqu'il nous informe au sujet de Iblis, de Shaitan, il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant Adam, de celui que j'ai créé de mes deux mains? Celui que j'ai créé de mes deux mains. Les gens de la Sunna, depuis les premières générations, le verset, la mention de l'attribut pour celui que j'ai créé de mes deux mains, ça n'aura pas posé problématique. De sens qu'ils ont cru et pris le sens apparent, sans s'imaginer le comment, sans faire de la comparaison, sans nier, sans falsifier, ça n'aura pas posé problème. Ils ont pris le sens apparent. En se disant, Allah a affirmé cela pour lui-même, alors nous l'affirmons comme Allah Azza wa Jalla l'a affirmé pour lui-même. Allah a affirmé cela pour celui que j'ai créé de mes deux mains. Allah a affirmé cela pour lui-même. Le sens, on le connaît, ce sont des mains, mais ensuite le comment de celle-ci, on en parle. Et justement, les partisans de la Sunna n'ont pas nié cela. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, ils sont tombés dans la comparaison. Ils ne se sont pas imaginé l'attribut. Puisque, on le sait forcément, que rien n'est semblable au créateur subhanahu wa ta'ala, laïsa kamithlihi shay. Sauf que, dans leur méthodologie des négateurs, lorsque ils étaient face par exemple à cet attribut, pour celui que j'ai créé de mes deux mains, ils ont dit non, c'est pas possible. Parce que pour eux, affirmer l'attribut des mains, c'est comparer le créateur à la créature. Parce que pour eux, c'est l'homme, c'est la créature. C'est l'espèce humaine qui a des mains. Non, ils ont dit. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils comparent. Donc ils se sont imaginés, ils ont comparé, ensuite ils nient. C'est pour ça que les savants disent que, en fait, tout négateur est comparateur, si on peut dire, de cette œuvre, ou assimilateur. Il a fait de l'assimilation, il a fait de la comparaison. Tout simplement, il a comparé, premièrement, deuxièmement, il a nié. Parce que ce qu'il a fait nier, c'est qu'il voulait fuir la comparaison. S'il a voulu fuir la comparaison, c'est qu'il a comparé. Ensuite, il a nié. إذن وجه تمثيله أن هذا المعطل فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل. Et donc, eux, les partisans de la négation, pour eux, le texte d'attribut implique justement la comparaison. Donc ils ont nié. Ils ont nié. Si par exemple ils disent non, on nie pas. Soit on interprète ou on n'affirme pas ça pour Allah. Ben, vous avez nié le texte. Et l'auteur, c'est pertinent parce qu'il va citer justement le verset, le même exemple. Il va citer, par exemple, la parole du Créateur. Lima khalabatu biyadei. On a dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Pour celui que j'ai créé de mes deux mains. Donc on a dit, ça c'est un verset d'attribut ou non? C'est un verset d'attribut, puisqu'il y a un attribut dans Ars Jam qui est mentionné. Le verset d'attribut, on ne peut pas l'interpréter. On doit prendre selon le sens apparent. Selon le sens apparent. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter? On a décidé deux causes majeures. Pourquoi par exemple, là, ce verset? Pourquoi par exemple, bon, il y a la méthodologie de ceux qu'on niait, catégoriquement, ils ont nié, sans interpréter. Et il y a ceux qui sont venus plus tard, la méthodologie de la Sharia, la Matolédia, eux qui ont dit nous affirmons, mais selon un sens. Ils ont interprété le sens. Par exemple, ce verset. Pour celui que j'ai créé de mes deux mains, dit le Créateur, dit Allah Azza wa Jalla. Pourquoi ce verset, on ne pourrait pas l'interpréter? Dire par exemple, les deux mains, c'est dans le sens de la force, la puissance, vouloir octroyer le bienfait, par exemple, interprété par un autre sens. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir recours à l'interprétation? Il dit de se dire non, le verset, il faut le comprendre de telle et telle manière, l'attribut. Ouais, et. Ouais, et deuxièmement. Exactement, deuxième. En fait, quand on avait pris deux points majeurs, pourquoi on ne peut pas interpréter? Parce qu'on avait dit, tout simplement, c'est parler sur un tas sans savoir. On avait dit que là, celui qui interprète, il faut lui demander deux preuves. Il faut qu'il avance deux preuves. Rapporte deux preuves. Deux preuves de quoi? Sept. Exactement. Il faut que, maintenant, celui qui veut interpréter le sens là, pour pas qu'il parle sur le Créateur sans savoir, il faut apporter deux preuves. Quelles preuves? C'est par exemple qui dit que là, il faut interpréter. On ne peut pas. Par exemple là, pour celui que j'ai créé de mes deux mains, on ne peut pas affirmer ça pour eux. Le Créateur, c'est pas ce sens-là qui est voulu. Beaucoup vont dire, c'est un sens figuré, c'est métaphorique. Il y a un sens. C'est pas ce sens-là qui est voulu. D'accord? On dit donc, quel est le sens qui est voulu? La personne doit interpréter et rapporter le sens. Et ça, vous trouvez ça dans de nombreux livres. Mais alors, celui-ci doit rapporter deux preuves. Au minimum. Première preuve. Dalil. Que le prophète interprétait. Et que Allah Azza wa Jal nous est demandé d'interpréter. Donc il faut ramener une première preuve que, à ce moment-là, les textes d'attribut, il faut les interpréter. Et donc il ne faille pas les comprendre selon le sens apparent. Il faut apporter une preuve. Une preuve que, par exemple, le prophète lui-même a interprété les textes d'attribut. Et que les attributs, il ne faille pas les comprendre de sens apparent. Donc ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve. Ensuite, sur le sens donné, l'interprétation donnée. Par exemple, si on dit que les mains ici, c'est dans le sens de la puissance, par exemple, pour celui que j'ai créé de ma puissance, si on l'interprète de cette manière, alors on dirait qu'il faut rapporter une preuve que ce qui est voulu, Allah Azza wa Jalla a voulu, dans ce verset par avance sur les deux mains, la puissance. Qu'Allah a voulu, à ce moment-là, dire pour celui que j'ai créé de ma puissance, il faut apporter une preuve. Si on n'a pas de preuve, et si par exemple ce n'est pas ça le voulu, quelle est la preuve que le voulu du Créateur, à travers sa parole, Lima khalaqa tu bi yaday, en celui que j'ai créé de mes deux mains, si ce n'était pas en fait ce sens-là, la puissance qu'Allah Azza wa Jalla a voulu. Donc on a put, on donne un sens qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu. Donc on parle sur les créateurs sans savoir et sans science. Vous avez vu, il faut rapporter deux preuves. Première preuve, qu'il faille interpréter le sens apparent de l'attribut. Et deuxième preuve, le sens qu'on lui donne, que celui-ci soit réel et vrai. Pour cela, il faut des preuves. Donc en fait, celui qui va nier, par exemple en l'occurrence le verset, c'est que lorsque il va dire la parole d'Allah, c'est-à-dire lorsqu'il dit pour celui que j'ai créé de mes deux mains, pour lui, le sens apparent du texte implique comparaison. Implique comparaison. Donc il fait de la comparaison. Donc pour cela, ensuite, il va nier. Vous comprenez pourquoi tout en fait négateur est assimilateur, il est comparateur. Donc ensuite, l'auteur dans son explication, il va aller même plus loin, il va aller même plus loin, que la comparaison du négateur, vous avez vu, d'un côté le négateur voulait fuir la comparaison, mais en fait, il a comparé. Et l'auteur va plus loin dans l'explication, il dit en fait, la comparaison, l'assimilation du négateur, elle est de deux aspects. En fait, je traduis littéralement, elle est de deux aspects, c'est-à-dire, il a comparé deux manières. Il y a deux comparaisons dans sa comparaison. Regardez, il va plus loin. Il dit, dans la comparaison du négateur, il y a deux aspects, c'est-à-dire deux comparaisons. Premièrement, annahu innama attala an-nusus. Premièrement, il a nié les textes. Les textes des attributs, il les a niés. Allah dit pour ceux que j'ai créé de mes deux mains. Je lui pose la question, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla détient l'attribut des mains? Il dit non. C'est ça la négation. Non. Donc, négation du texte. L'Iqtira dit pourquoi? Parce que lui considère que le texte implique comparaison. Donc on voit que là, il compare. Donc la première comparaison, c'est le fait de penser que le texte implique comparaison, puisqu'il nie le texte. Deuxièmement, annahu idha aqala hadhihi an-nusus faqad mathala Allahu ta'ala bin-naqis li'annahu idha aqalahu 'an al-kamal sara naqisan. L'auteur va plus loin parce qu'il dit ensuite, lorsqu'il va nier, pour peur de tomber dans la comparaison, parce que lui il considère que le texte indique et implique comparaison, alors là il va tomber dans autre chose. Il va tomber ensuite dans le fait d'attribuer au créateur l'imperfection. Il va attribuer au créateur l'imperfection. Et donc, nier en vérité la perfection. Pourquoi? Parce que la perfection réside dans les textes. Si on veut attribuer la perfection au créateur, cela réside dans l'affirmation des textes. Et donc, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Lima khalaqa tu bi yaday » pour celui que j'ai créé de mes deux mains, en fait, ça c'est la perfection. Comme elle convient au Créateur subhanahu wa ta'ala. Nier ce qu'Allah Azza wa Jalla s'est affirmé pour lui-même, alors c'est nier la Al-Kamal. Puisqu'on ne pourra pas trouver la perfection, la mention de la perfection d'Allah Azza wa Jalla, on ne pourra pas mieux la trouver que dans les textes, que dans ce qu'Allah Azza wa Jalla s'est affirmé pour lui-même subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de nier les textes, en fait, c'est qu'il a comparé Allah par l'imperfection. Comment il a comparé Allah par l'imperfection? Puisque ce qu'Allah Azzawajal s'est affirmé pour lui-même, c'est ce qui est propre à lui. C'est comme il convient à sa majesté, comme il convient à lui, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui est semblable. Donc là, pour celui que j'ai créé de mes deux mains, les gens de la sunna qadima wa haditha, depuis les premières générations, ils considèrent que c'est un attribut qui lui est propre, de sorte que qui lui convient, comme il convient à Allah. Et rien peut être comparable à lui. Donc ça, c'est la perfection. Mais eux, ils ont vu en cela de l'imperfection. Ils ne peuvent pas nier, parce que sinon ils auraient affirmé. S'ils ont nié, c'est qu'ils ont vu de l'imperfection. Donc pour eux, l'attribut d'Allah Azzawajal, qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, c'est imperfection. Puisqu'il est comparable à celui de la créature. Et donc de ce fait, dans cette deuxième considération, l'auteur dit, c'est qu'il, en fait, attribue l'imperfection. لأنه إذا عطله عن الكمال صار ناقصا فمثل الله تعالى بالناقص. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent on ne peut pas fermer la main, la tribu de la main, dites pourquoi on ne peut pas fermer la tribu de la main pour le créateur. Pourquoi? Parce que ça serait comparer le créateur à la créature. Donc posez la question, mais pourquoi ça serait comparer le créateur à la créature? Pas. Pour eux, c'est les mêmes mains. C'est bon. Sinon, pourquoi ils nient? Mais la main de la créature, par rapport à l'attribut d'Allah, de la main, elle est imparfaite. La main de la créature, par rapport à l'attribut d'Allah, de la main, elle est imparfaite. Elle est déficiente. Elle n'est pas comparable à celle d'Allah. Donc ça veut dire que si vous pensez que l'apparence du texte est comparable à la créature, c'est que vous pensez que celle-ci sera imparfaite. Donc vous niez. Vous comprenez dans quel sens? فَقَالَ فَأَمَّا تَعْطِيلُ الْمُعَطِي الْفَضَاهِرُ وَأَمَّا تَمْثِلُهُ فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا عَطَى الْاَعْتِقَادِ أَنَّ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبِيهِ فمثل أولا وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص وأما التمثيل الممثل فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاث أوجه. Ça, c'est en ce qui concerne l'assimilation, si on peut dire la sorte, ou la comparaison du négateur. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est simple. La deuxième partie de la phrase. L'assimilateur et un négateur. Voilà, le fait que maintenant que l'assimilateur, le comparateur, est considéré comme négateur. Entre, vous avez vu, c'est deux opposés, c'est deux doctrines opposées. Mais ces deux doctrines opposées, en fait, les savants nous disent, et vous allez retrouver ça dans d'autres livres, hein, qu'en fait, tout négateur est comparateur, en vérité, assimilateur. Donc ça, on l'a compris. Là, vous comprenez pourquoi les savants les considèrent comme des comparateurs. Parce qu'en fait, avant de nier, tout simplement, ils ont comparé. Et donc, c'est la première étape. C'est l'étape préalable. Ensuite, c'est ça qui les a amenés à nier. Donc, en fait, la comparaison du négateur, elle est claire. Maintenant, il nous reste de comprendre la deuxième partie. Pourquoi celui qui a comparé est considéré comme négateur? À quel moment il est négateur? Puisque lui, il affirme en comparant. Et compare. Alors là, il dit, en ce qui concerne la négation de celui qui assimile, qui compare, elle est de trois aspects. Et il va dire, elle est de trois aspects. Vous voulez que je vous cite trois et on se quitte sur cela? Si, ah oui, parce que si on termine ces trois points-là, ensuite on aura terminé ce chapitre. On aura terminé C'était un long chapitre, Mashallah, on a terminé le chapitre. Donc, je vais vous lire les trois aspects très rapidement, Mashallah. Il dit Awalan, al-Awal, Annahu a'tala nafs النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل أولا. ثانيا الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. Voilà comment on explique, voilà les trois points. On termine avec ces trois points. Quels sont ces trois points? Qu'est-ce qu'il peut m'expliquer? On va expliquer quoi dans ces trois points? Ces trois points de quoi? Là, les trois points, là, avec quoi on va terminer? Enfin, les trois aspects, ces trois aspects de quoi? Pour prouver pourquoi les comparateurs sont négatifs. Exactement. Et si ces trois aspects, selon trois considérations, plus simplement, pourquoi ceux qui comparent le créateur et le créateur, parce que c'est une doctrine, hein, et une doctrine de ceux qui ont affirmé d'une manière, de cette manière-là, d'une manière extrême. C'est ce qu'on appelle la nouvelle fila. Al-Mushabiha. Eux, ils affirment. Naam, ce sont des attributs des mains. Qui comparent aux mains des créatures. Eux, ils ne voient pas de problématique à cela. Donc, vous avez vu ces deux doctrines différentes entre les négateurs qui ont nié pour fuir la comparaison et des affirmateurs, ceux qui ont affirmé, mais à l'extrême. En comparant. Sauf que, les savants, et l'auteur en l'occurrence ici, nous dit que celui qui affirme à extrême, hein, en comparant ce qu'on appelle Al-Mushabiha, c'est la doctrine de Noumen Thila, ils sont considérés comme négateurs. Et c'est là toute la question. Mais pourquoi peuvent-ils être considérés comme négateurs alors que eux comparent et affirment avec comparaison? Donc c'est deux opposés. Sauf que les savants les considèrent comme négateurs aussi. Pourquoi? Parce que la parole dit tout négateur est comparateur et tout comparateur est négateur. Taillé. Donc là, comment celui qui compare et celui qui assimile, comment il peut être considéré comme négateur et il y a de la négation dans sa doctrine? Il dit selon trois considérations, trois aspects. La première, c'est pour ça que je répète à chaque fois pour vraiment qu'on puisse comprendre les termes. La première, c'est qu'il dit. En fait, en comparant le créateur, il nie le texte. Le texte en lui-même, il nie en réalité ce qu'Allah Azzawajal s'est attribué comme attribut. Vous pouvez me poser la question, mais comment il peut nier puisqu'il affirme? Il nie comment? Il nie en pensant lui aussi que le texte implique comparaison. Puisque lui, il pense que l'attribut, le sens apparent de l'attribut, oui, est comparable à l'attribut des créateurs. S'il est cité les mains, c'est que c'est les mains qu'on connaît. Et ça, c'est la comparaison. S'il est cité les mains, c'est les mains qu'on connaît. Dans les textes où il est cité le visage, c'est le visage pour eux qu'on connaît. Puisqu'ils diront, moi, je ne connais pas autre chose, je ne connais pas d'autre sens. Par exemple, l'attribut des yeux, ils diront, c'est les yeux qu'on connaît. Vous avez vu, ils comparent. Donc ici, ils pensent, eux aussi, que le texte indique comparaison. Comparaison. C'est ça qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est ça qui est nommé dans les livres, vous allez voir, dans beaucoup de traductions, ils appellent ça Teshvi ou Temti, l'anthropomorphisme. De sorte que, là, dans la parole, il dit que tout anthropomorphisme, alors, est négateur. Pourquoi? Parce que, premièrement, comme il est dit ici dans la traduction, il dépouille le texte même qui lui a servi pour confirmer l'attribut du fait qu'il en a fait un texte signifiant l'assimilation. Donc en fait, il nie le texte du fait qu'il a fait de ce texte, de ce texte-là, il pense qu'il y a comparaison et similitude. Ça, c'est le premier point. Ma'annahu, alors que le texte, en réalité, n'indique pas cela. Le texte, en réalité, il indique un attribut propre à Allah, c'est-à-dire qui convient à sa majesté. Le texte, il n'indique pas un attribut comparable à l'attribut de l'être humain. Mais qu'est-ce qu'il indique ? Il indique un attribut qui convient au Créateur. C'est ça toute la différence. Donc si le texte indique un attribut qui convient au Créateur, si l'on pense que non, le texte indique un attribut comparable à l'attribut de la créature, on nie l'indication qu'il y a dans le texte en réalité. Puisqu'on pense que non, le texte indique un attribut comparable à l'attribut de la créature. Donc on nie. Pourquoi ? Parce que dans le texte, non, il y a affirmation d'un attribut incomparable à la créature, c'est-à-dire qui convient au créateur. Ça, c'est la première considération. C'est ça, elle est claire. Donc ça, c'est considéré comme négation. Deuxièmement, deuxième considération, أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. Et là, écoutez bien, là c'est très pertinent. Si on a compris ce premier point, donc l'anthropomorphiste, pour lui, il affirme les attributs, et ces attributs sont les attributs que lui connaît pour les créatures. Donc il assimilie l'attribut du créateur à l'attribut de la créature. Donc en fait, il nie la véritable indication du verset, premièrement. Donc de ce fait, il va nier autre chose. Ça va le mener à nier une évidence qu'il y a dans le Coran. Qu'est-ce qu'il y a comme autre évidence dans le Coran ? Il va nier tout texte qui indique que rien n'est comparable à Allah. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui indiquent que rien n'est comparable à Allah ? Ou il n'y a pas de texte ? Le texte, les sacrifices, par exemple. Si on compare le créateur à la créature, c'est-à-dire qu'on lit les textes où Allah dit rien n'est comparable à lui. Et Allah nous dit qu'il n'a pas d'égal. Allah n'a pas d'égal. Rien ne lui est semblable à lui. Donc si on considère que les textes d'attributs, ce sont des attributs qui sont similaires et comparables aux attributs des créatures, c'est que, premièrement, donc on nie l'indication du verset, mais deuxièmement, ça veut dire que on nie les versets, les textes, où Allah Azzajal nous dit que rien n'est similaire et rien n'est comparable à lui. Donc, il y a une négation. Ça, c'est la deuxième considération. Troisième considération, et dernière que cite l'auteur, أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. Là, il y a une troisième négation. Troisième négation. Regardez ce que va dire l'auteur. Il dit en fait, l'anthropomorphiste, lorsqu'il compare le créateur aux créatures, il va nier quelque chose. Il va nier la perfection du créateur. Comment ? Il va nier la perfection du créateur du fait qu'il va comparer la créature au créateur. Lorsqu'il va comparer, ou plutôt il va comparer le créateur à la créature, là il a bien la perfection d'Allah. Pourquoi? Parce que si pour l'anthropomorphisme, l'attribut, lorsqu'il a déversé l'attribut, comme sifat al-wajh, sifat al-yad, sifat al-ayn, sifat al-nuzul, il a fait. Si lui, à chaque fois qu'il y a des attributs qui sont mentionnés dans le Coran, des attributs d'Allah, il considère que c'est comparable à l'être humain, à l'homme, on sait que nous, on est déficient. Et que nous, on a des imperfections. Or, Allah, est parfait. À lui détient les plus beaux dons et les attributs de perfection. Donc, si on considère que ces attributs, Allah s'est affirmé pour lui-même, ils sont comparables aux créatures, c'est qu'on considère que ces attributs sont déficients. Et donc là, on nie quelque chose d'essentiel, c'est El-Kamel, la perfection, les attributs de perfection. Et de ce fait, l'auteur termine comme cela ce chapitre, c'est-à-dire concernant le fait, maintenant on a terminé ce troisième phase, concernant le fait qu'il faille prendre le sens apparent. Ou plutôt, c'était un chapitre lié aux règles, lié au texte d'attribué par la grâce d'Allah. On a terminé l'étude de cela. Donc, pour conclure, il dit face à notre Qa'idatu indana. Donc, il dit pour nous, devient clair qu'il y a une règle. La règle. Cette règle-là que l'auteur enseigne à la fin, cette règle qui dit que tout négateur est anthropomorphiste et tout anthropomorphiste est négateur. En d'autres termes, tout négateur est comparateur ou assimilateur et tout assimilateur, assimilateur ou bien comparateur ou bien anthropomorphiste est négateur. En d'autres termes en arabe, plus simplement, on peut l'apprendre maintenant comme ça. Kullu mu'attil mumathil wa kullu mumathil mu'attil. Vous avez vu avec l'explication, la parole devient plus claire. Et on voit très qu'il n'y a pas de contradiction. Alhamdulillah, on a terminé ce phase. Et demain, Inch'Allah, on commencera, en quelque sorte, un autre chapitre, un autre phase dans ces règles-là. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. N'hésitez pas si vous avez une question, sinon si vous n'avez pas de question, c'est-à-dire que le problème là c'est clair.